Je veux du poulet. Moi, je dis bonjour. Oui, je veux du poulet. Oui, bonjour, monsieur. Oui, je veux du poulet. Mais mec, et du coup, le chef qui commence à dire, alors, on commence par un bonjour et après on verra le poulet. Bonjour, je veux du poulet. Il manque pas un mot là, monsieur? Il lui a dit ça comme ça. Hein. Bonjour, je veux du poulet et la cuisse. T'es sérieux, mec? Et du coup, mon chef, il a dit, ça fâche, j'en peux plus, je vais le tarter. Et il m'a dit, je vous voulez la cuisse? Oui, s'il vous plaît. Après, tu vois. Au bout de 5 fois. Avec des frites! Et mon chef qui revient vers les légumes. Comment ça? S'il vous plaît. Il a... Comme ça. C'est horrible. Ah, franchement, c'est grave, les gens, ils disent même pas bonjour, ils te regardent même pas. T'es un robot, quoi. Moi, ça, je trouve ça dingue. Ah, mais franchement, j'en Je vois des déteste vertes les et des gens. pas mûres au travail. Hein. Et le pire, c'est quand. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'étais en salle, du coup, je faisais de la caisse. Et tu la vois grave la différence. En fait, les gens, quand ils ont faim, ils sont hyper désagréables. Une fois, il y avait un connard, il avait pris juste une salade. Et il me fait, je prends un café avec la carte, c'est gratuit, non? Comme ça. Je fais, alors monsieur, c'est avec l'achat d'un plat chaud. Il commence à me dire, ouais, moi, ça fait 10 ans que je viens et ça fait tous les jours que je prends la même salade et on m'offre le café. Comme ça. Je fais, bah monsieur, écoutez, vous voyez ça avec mon collègue parce que moi, vous me parlez comme ça, je vous sers pas en fait. Il me fait, vous êtes vraiment désagréable. Eh bien, mauvaise journée à vous. Hein. Et en fait, j'étais saoulée parce que, genre, sur le moment. Il m'avait trop saoulé, il m'avait trop mal parlé, genre il m'avait rabaissé de ouf, tu vois, alors qu'il y avait plein de gens derrière, tout le monde nous écoutait, tu vois. Et juste après, il y avait une dame trop sympa avec sa fille, genre elle m'a dit, hé, ma belle, souris, parce que c'est juste un connard. Puis merci beaucoup, bon courage surtout, parce qu'avec des connards comme ça doit être compliqué et tout. Genre elle a dit connard au moins 4 fois, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, elle est trop géniale cette meuf. Ça veut tout dire. Donc t'avais des questions pour moi? Ouais, Oh my goodness. attends, je sors mon petit carnet à questions. En plus, quand tu m'avais envoyé le message en mode ouais, ça te dirait de faire un podcast avec moi, j'étais en mode oh, trop cool! Genre, j'étais trop Ah, je suis trop excitée. contente. J'avais peur que tu veuilles pas de ça. J'étais Bon. là, ok, je lui demande, vas-y, j'ai rien à perdre. Ok, Bah, c'est cool en vrai. Hein. j'ai fait une petite liste de questions. Puis. Alors, je sais même pas par où commencer, mais. Par le commencement, tabarnak. Est-ce qu'ils disent vraiment tabarnak au Québec? Oui. Oh punaise. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes. Ok. Donc, comme tu veux, genre, choisis un angle et puis dis-moi qui tu es. Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Safa, j'ai 23 ans. Je suis née en Espagne, mais j'ai vécu au Maroc et ensuite en France. Ensuite en Espagne et je suis revenue en France. Je suis en couple depuis 3 ans avec ma petite chérie. Pour l'instant, je suis en année sabbatique entre guillemets, sauf que je travaille chez Ikea dans le restaurant. Et je compte reprendre mes études normalement en septembre. Je suis bilingue, je parle espagnol et français et un peu anglais. Et j'aime beaucoup les séries. J'adore la musique, même si j'en joue pas forcément, j'adore l'écouter. Et puis voilà, j'ai pas quoi C'est dire très de bien. plus. Pour remettre un peu le contexte pour les gens, tu pourrais expliquer comment on s'est rencontrés? Alors, j'avais rencontré Charlène sur Twitter. Ouais. Elle allait se faire tatouer et elle m'a dit, ça te dérange si j'ai une amie qui vient? Et c'était toi, cette amie, et on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, on est devenus plus proches. Toi et moi, que Charlène et moi finalement, parce qu'on a grave perdu contact. On a dû se voir. En fait, je crois que c'est la seule fois qu'on s'est vu avec Charlène. Ah ouais? Quand... Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. On a dû se Ok. voir 2 fois, une fois sans toi, une fois avec toi, et je crois qu'il y avait Jay. Il me semble. Ça date, hein. Attends, sur place, c'est quoi? C'est 2014? Oh 2015? ouais, je crois, un truc comme C'est ça. ça, Hein. je crois. Bah, c'était, j'étais même pas encore à la fac, j'étais encore au lycée, il me semble. Toi, Ouais, t'étais à ta première année de fac. c'est ça. Oh c'était il y a 5 ans presque. Non, mais je trouve ça stylé. Ouais, de ouf. Enfin, j'aime bien le fait que moi, c'était ma première année de fac. Toi, c'était tes dernières années de lycée. Ouais. Après, en gros, moi, quand j'ai quitté la fac parce que je suis partie au Canada, toi, t'arrives à la fac. Ouais, c'est ça. Et puis après, on s'est retrouvés là, après. Voilà. Toujours là. Mais oui, moi j'aime bien ce truc de se rencontrer par le biais d'autres personnes. Ouais, de ouf. Et puis qu'au final on reste plus proche. Ben, Chachi, c'est parce qu'elle a beaucoup bougé aussi, du coup on la voit moins souvent. Et c'est surtout marrant de se rencontrer sur Internet. Et en fait, c'est par le biais de cette personne sur Internet que je t'ai rencontré, quoi. Alors qu'en plus, moi aussi, j'étais sur Twitter. Comme après, on s'est suivi, non, je crois. Ouais, je crois. Le... Plus... Bah... Moi, j'étais assez active sur les réseaux, mais ouais. Je sais plus trop depuis. Il fut un temps. Et je voulais savoir, est-ce que toi, t'es toujours aussi active sur Twitter? Non. Ok. Pas vraiment. T'es un peu passive, quoi. Ouais, je suis plutôt en mode, j'observe ce qui se passe, mais je vais pas tweeter non plus. Ou même sur Instagram ou sur Facebook, c'est pas trop ça. Et c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux en général? C'est plutôt prendre des news sur la Terre. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Aller stalker un peu ma meuf. Ou voir aussi si ma mère elle est connectée. Parce qu'en fait maintenant ma mère, elle travaille dans un magasin de maillots de bain de luxe à Saint-Tropez. Ouais. Et là depuis décembre elle est en déplacement à Saint-Barthélemy. Ah ok, je savais pas. Ouais, du coup maintenant tu sais. Et du coup elle kiffe trop sa life. Bah comme il y a un décalage horaire et tout... Attends, mais c'est où Saint-Barthélemy? C'est sur les îles à côté de Cuba et tout. Oh waouh! Ouais, genre, ah, mais oui. De l'autre côté, vraiment à l'autre bout de la terre pour le coup. Ouais. Et du coup, c'est assez drôle parce que je vois, enfin, je te montrerai les photos après. Genre, elle est sur une plage sable blanc, ouais. Eau turquoise, elle vit sa meilleure vie. Ah, les Caraïbes, ça, vraiment. Elle fait tout à vélo parce que c'est hyper petit. Waouh, ok. C'est trop trop cool. Non, et, c'est cool pour elle, je suis contente. Ouais, franchement, c'est chouette. Et après, normalement, elle est censée revenir en mois de avril, je crois. Ok. Du coup, ça lui fait. Un bon séjour là-bas, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, je regarde aussi ses photos sur Insta. Yeah, c'est gay, cool. Ah, elle est assez active, ta mère, du coup. Tout le temps, avec des stories ou des photos. Non, c'est trop bien. Bah, tu penses qu'elle met aussi pour que vous puissiez prendre des nouvelles? Je pense. Toi et ton frère, je dirais. Je pense. Parce que, attends, pour te dire, ma mère, à un moment, elle s'était mise à jouer à Pokémon Go pour se rapprocher de mon petit frère. Ah, c'est génial. Ouais, de ouf. Et du coup, elle était grave accro. Ok. Plus que mon frère, pour le coup. Puis elle fait souvent des trucs comme ça pour se rapprocher de nous. Ok. Vu qu'on est tous un peu séparés, mon frère il habite en Espagne. Ouais. Moi du coup je suis là, mon frère il était avec elle, mais du coup vu qu'elle est partie, il est venu à Nantes chez ma grand-mère. Et du coup voilà. Et sinon par rapport à genre notre génération, tu penses que les réseaux sociaux ça a pu nous apporter quoi? Bah en vrai je trouve que ça... Les réseaux sociaux ça apporte pas mal de trucs. Dans le sens où il va se passer un événement important, genre, c'est triste à dire, mais par exemple un attentat ou un truc comme ça, bah on va directement entendre parler sur les réseaux sociaux. Ou par exemple, il peut se passer des trucs partout dans le monde, qu'on parle, ils n'en parlent pas forcément dans les médias, mais sur les réseaux sociaux, ils en parlent. C'est les gens qui vont en parler. Et oui, c'est voilà, ça. C'est un peu le bouche à oreille, mais dans le sens où, je sais pas si t'as entendu parler qu'il y a un génocide musulman en Chine. Ouais. Les médias, ils en parlent pas, tu vois. Clairement. Mais sur Internet, on voit plein de photos, on voit tout ce qui se passe. Et je trouve ça bien qu'ils en parlent, tu vois. C'est comme à un moment, il y avait un truc... Enfin, un génocide aussi, je sais plus où. Bah, c'est triste, hein. Mais ils en ont parlé parce que tout le monde a changé sa photo de profil en une couleur spécifique. Ouais. Et du coup, tout le monde s'est dit, ouais, pourquoi t'as cette couleur? Et en fait, ça fait qu'on en parle et qu'on sache ce qui se passe, quoi. Et sur l'aspect de... La construction de soi et la confiance en soi. Est-ce que, parce que, enfin, je sais que toi comme moi, on a été très tôt sur Twitter. Enfin, je sais pas, quand est-ce que t'as fait ton compte Twitter par exemple? Je sais plus, en 2012, je crois. Ah, moi aussi. Sérieux? Alors, je crois que je l'ai créé en 2011. Puis j'avais jamais tweeté avant 2012, un truc comme Je crois que j'ai eu deux comptes, il y en a un avant. Okay. Et le mien, je vais te dire précisément quand c'est, parce que c'est écrit dessus. 2013, donc j'en avais déjà un avant et j'ai refait un compte après parce que j'avais oublié mon mot de passe. Et du coup, voilà. 2012-2013, on était encore au collège. Ouais. Donc c'est quand même assez tôt, tu vois, on avait 14 ans en fait. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est en ça. Plus. Enfin, par rapport. Attends, non, 2013, j'étais au lycée. C'était il y a 7 ans. Non, oui, non, 2012, ouais, c'est ça, moi j'étais en seconde. Ouais, mais bah, je l'avais à la fin du collège parce que j'avais un compte. Harry Potter, bref. Et c'est là, c'est le. Moi au début j'étais fan des One Direction, tu vois. Ouais. Chacun son truc. Et j'avais fait Twitter en mode ouais, je vais pouvoir parler avec eux, mais non. Bah c'était quand même pour ça Twitter à la base aussi. Ouais, de ouf. Pour suivre les infos des stars. Ouais. Quoi. Puis même tu pouvais les tweeter et au départ il y en a plein qui répondaient. Moi je sais que j'ai pas mal utilisé mes réseaux, surtout Twitter. Pour parler de mon homosexualité. Ouais. Parce qu'avec ma famille je pouvais pas en parler. Ouais. C'était assez compliqué, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans le même cas que moi, on a parlé ensemble, ça nous a grave aidés, on est... Enfin, pour ça aussi, parce que Twitter avant c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui c'est plus du tout pareil qu'avant. Pour avant tu disais. C'était un petit réseau avant. Voilà, c'est ça. Avant tu disais hello, tout le monde te répondait. C'est ça. Tu disais BBL, be back later. Ouais. Tout le monde te disait à tout à l'heure. Et maintenant, genre, tu mets une photo de toi, tu mets salut. Ils vont te sortir salut, je sais pas quoi, tu vois. Genre, ils vont te clasher direct. C'est que du clash maintenant et je trouve ça triste que ce soit comme ça maintenant. Parce qu'avant c'était vraiment comme une petite famille en fait. C'est en fait, c'était les gens. S'alliait par communauté, par centre d'intérêt, ou par expérience ou orientation sexuelle, comme tu l'as dit. Puis... Genre au début, c'était les Directioners, VS, les Beliebers. Ah bah nous, c'était les Potterheads à fond. Voilà, tu vois, c'était que des trucs comme ça. C'était franchement, à l'époque avant, c'était trop bien. Maintenant, c'est que ça parle de clash, ça met des trucs hyper trash, ça donne plus envie d'aller dessus, quoi. Mm. Moi, j'y vais que dessus que pour regarder des photos de chiens, des petits chouchous, là. Et voilà. Et je voulais parler aussi des réseaux sociaux ou de l'aspect virtuel comme du téléphone aussi. Parce que du coup, cette année, t'es en relation à distance avec ta copine. Ouais. Et du coup, ben, si t'as envie de m'en parler, comme j'ai bien envie qu'on parle de ça. Ouais, carrément. De ce que tu penses de la relation à distance. Est-ce que tu l'avais envisagé avant, même sans connaître Orlan, mais est-ce que tu t'étais déjà dit « Moi, je suis capable d'être en relation à distance » ou est-ce que ça s'est imposé à vous ? Alors. Et puis, comment ça se passe, quoi. Ok, ça marche. Alors, j'ai une relation à distance, Nantes-Marseille. Ok. Je savais même pas. Ouais, ça date, j'étais au lycée, début lycée, je crois. Ok. Et on s'est vu une fois. En fait, on était hyper potes à la base, on s'est mis en couple, sans s'être vu, forcément, tu vois. On s'est vu, on a kiffé et tout. Et en fait, on s'est dit qu'on n'était pas faites pour être ensemble, en fait, et que c'était trop compliqué, la distance. D'accord. Et depuis cette relation, je me suis dit plus jamais relation à distance. Okay. Ah, je savais pas que t'avais vécu un échec, entre guillemets. Bah après, ça a pas duré longtemps, hein, mais c'était un échec. Après, ça n'empêche pas que la personne que j'appréciais, c'est quelqu'un de bien et tout, tu vois. Mais c'est le contexte qui a fait les choses, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ouais, plus jamais les relations à distance, c'est mort et tout. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai rencontré ma meuf. Et du coup, je me suis dit... que ça roulait, on était dans la même fac, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, je t'avais dit. Et en fait, je pensais pas que ça allait devenir... Enfin, ça allait prendre autant d'ampleur, tu vois. Et en fait, c'est trop l'amour de ma vie, cette meuf, c'est-à-dire. Et je me rends compte que la distance, heureusement que c'est juste Nantes-Angers. Ouais. Parce que sinon, ce serait... Je l'aime de tout mon cœur, mais ce serait trop compliqué. Genre, je travaille, elle est à la cour... Là, tu vois, si j'ai un jour de repos dans la semaine et que le lendemain, je commence un peu tard, je peux aller à Angers, c'est cool. Si ça avait été Strasbourg, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Ça se trouve, je pense que j'aurais déménagé pour être avec elle, tu vois. Ouais. C'est beau l'amour. Ouais, de ouf. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, par exemple Messenger. Parce qu'au moins, on peut faire des visios, on peut se voir, s'entendre, on parle H24. Du coup, ça rend la chose moins longue, tu vois. Après, là, au mois de janvier, on a eu trop de mal à se voir. Genre, pendant 3 semaines, je ne l'ai pas vue et j'étais trop dans le mal. Ouais. Parce qu'en fait. C'est partiel ? Non, c'est partiel, c'était avant les vacances. Sauf que moi, mes horaires, ils ne correspondaient pas du tout avec son emploi du temps. Du coup, c'était trop chaud d'y aller. Genre, je finissais à 21h, du coup, impossible de prendre un train. J'avais un repos, sauf que le jour d'après, je commençais à 8h, du coup, impossible de prendre le train, tu vois. Tout ça pendant 3 semaines. Du coup, c'était compliqué, mais heureusement, on s'est appelés, on parle beaucoup par message, H24. Et du coup, c'est cool qu'il y ait ça, les réseaux sociaux. D'une certaine manière, ça rapproche les gens. Parce que je sais que, par exemple, ma mère, elle est à l'autre bout du monde, littéralement. Et genre, on peut l'appeler en visio. Par exemple, ma mamie, tu vois, elle a un téléphone à 9 touches, tu vois. Ouais. Elle a pas un smartphone. Du coup, à chaque fois que je viens, elle fait « Oh, bah tiens, essaie d'appeler ta mère, comme ça je peux la voir. » Parce qu'elle peut pas l'appeler par téléphone, ça marche pas. D'accord. Elle a pas de, pas de réseau, mais genre, en gros, son contrat, il fonctionne crédit, pas. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, à chaque fois que je vais chez mamie, viens, on essaie d'appeler ta mère. Du coup, elle va en visio souvent, et c'est cool, tu vois, genre, ça rapproche vachement. Même si elle est à l'autre bout du monde, ma mamie, quand elle la voit, elle est heureuse, tu vois. C'est comme une fois, ma mamie, elle m'a donné le numéro d'une de ses amies qu'elle avait pas vue depuis des années, tu vois. Et elle m'a dit, oh tiens, essaie de l'appeler sur WhatsApp, là, on la voit en vidéo. Ta mamie, elle connaît WhatsApp. Ma mamie, elle connaît WhatsApp. Elle est géniale. Elle est géniale. Mais après, tu vois, la téléphone à 9 touches et puis la technologie, ça l'intéresse pas. Ouais. On lui a offert un ordi il y a pas longtemps, elle l'utilise pas. Ouais. Parce qu'elle dit, je sais pas l'utiliser, ça m'énerve. Et du coup, tu sais, elle est à l'ancienne avec le téléphone et puis voilà. Et du coup, comme son amie, elle habite en Italie, C'est genre son amie de quand elle était petite. Hein. Wow. C'est son amie d'enfance. Okay. Et du coup, je les ai grave mis en contact. Parce qu'une fois, avec mon téléphone, on a essayé de faire un visio. Elle a eu un visio, elle a fait « Ah oh !» Elle était trop contente, tu vois. Wow. Genre, elle a trop kiffé. Et du coup, ça m'a trop fait plaisir parce que même j'ai rien fait, entre guillemets, tu vois. Mais ça m'a... Je les ai quand même rapprochés dans un certain sens. Et ça lui a trop fait plaisir. Et elle m'a dit « Faut vraiment que j'apprenne à utiliser ça. Hein. » J'ai dit « Ouais. » C'est trop mignon. Ouais, de ouf. Elle a quel âge, ta mamie ? 65 ans. Ok. C'est Mamie Jones. Ouais, elle est assez jeune, hein. Ouais, bah... Dans ma famille, ils ont tous eu des enfants jeunes. Ouais. Genre, ma mère, à moi, elle m'a eu à 16 ans, tu vois. Mm. Ma mamie, elle a 65. Ma mère, elle a eu 40. Ouais. Tu vois, elle a eu à... Je sais pas comment on calcule, mais... Attends, 40, ça fait 25. 25, voilà, elle a eu 25 ans. Ouais. Bah, à l'époque, c'était jeune, tu vois. Et du coup, ouais. tout le monde a eu des enfants jeunes dans ma famille. Et du coup, voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi ton rapport à ta famille, justement? comment tu te places dans ta famille, puis... Bah, c'est assez complexe. Est-ce que tu sens que t'as un rôle à jouer? Je sais pas, tu vois. Okay. Genre, je pense, en fait, ma famille, j'ai vécu longtemps en Espagne. Du coup, j'avais pas forcément un rapport avec ma grand-mère. Mais c'est quand mes parents, ils sont partis, que je me suis retrouvée seule à Nantes, que du coup, je me suis grave rapprochée de ma mamie parce qu'on habitait à côté. Ouais. Du coup, j'allais tout le temps la voir, elle venait tout le temps me voir. C'était un peu comme ma deuxième maman, tu vois. Alors qu'avant, on n'était pas si proches que ça. Moi, maintenant, tous les deux jours, elle prend mes nouvelles. Elle me dit, ouais, je n'osais pas t'appeler, je ne savais pas quelle heure tu faisais au travail. Est-ce que ça va ? Vraiment, juste des fois, elle m'appelle juste pour savoir si ça va, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai mangé même, des fois. Une fois, j'ai dit que j'avais mangé des raviolis en boîte. Elle me fait, oh, faut pas manger ces cochonneries. Parce qu'elle, elle fait vraiment tout maison. Ouais. Ah, tu verrais, ses lasagnes, ses pizzas, son couscous, tout. J'ai eu un peu de la pizza. C'était ouais. trop bon. Et elle était pas chaude. Ouais, j'avoue. Mais et il y avait des anchois. Ouais, du coup. Mis à part ça, c'était vraiment bon. Et du coup, ouais, franchement, ma mamie, c'est trop genre mon petit bébé, tu vois. Enfin, je suis son petit bébé et... Oui, et... mais t'aimes bien t'occuper d'elle aussi, quoi. Ouais, puis ma mamie, elle a vraiment le cœur sur la main. Ouais. Elle accueille quand elle veut. Genre, une fois, je suis venue avec des potes à moi pour attendre le bus. Elle me disait, bah, restez, prenez un café et tout. Genre, yes. Vraiment, elle est hyper accueillante. Elle adore être entourée de ses neveux et nièces parce qu'elle en a beaucoup. Ok. Et franchement, voilà. Et puis après, j'ai deux frères, que j'ai pas dit ça tout à l'heure. Ouais. J'ai deux frères, il y en a un qui a 22 et il y en a un autre qui a 16. Bah, celui qui a 22, il est en Espagne, mm-hmm. il fait sa petite vie, tranquille. Puis celui qui a 16, là, il est à la maison avec mamie, puis il fait sa petite vie tranquille. Bah, il a arrêté l'école, quoi. Du coup, c'est Fortnite. Ah ouais ? Ouais, alors laisse tomber. Il est accro à ça. Et puis, 16 ans et que ça fume des bédos, quoi. Il y a plein de trucs qui font que je peux comprendre, tu vois. Mm. Puis voilà. Est-ce que t'as un modèle dans la vie ? Ouais. De ouf. Ah, j'aime bien que t'aies déjà la réponse. Ouais. J'étais là, ah, est-ce que c'est une question piège ? Non, en vrai, j'ai deux modèles. Bah, ça peut paraître niais, mais genre, j'ai ma mère. Mm. Genre, ma mère, elle a vécu tellement de trucs... pas facile et je la respecte énormément et c'est trop une femme forte pour non, moi. Non mais up top pour les mamans. Ouais. Vraiment. Wonder Woman maman. Ouais. Et ma mamie aussi du coup. Parce que en parlant de ma mamie, tu vois, genre la première personne de ma famille à qui j'ai fait mon coming out, c'était ma mamie. Ok. Parce qu'en fait, et elle l'a tellement bien pris, genre elle en fait, elle vient d'une famille sicilienne. Ouais. Assez en mode, on a nos valeurs, c'est un peu conservateur, tu vois. Genre sicilien avec sicilien et rien d'autre. Et mamie, en fait, elle était mariée avec un arabe. D'accord. Un tunisien. Mon papy. Et du coup, en fait, sa famille n'était pas du tout ok avec ça. Mmh. En mode, ouais, non, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas cool et tout. Et du coup, finalement, elle a dit, bah, Balek, je l'aime. Et quand je lui ai dit que je sortais avec Orlan, tu vois, elle m'a dit, ah, bah, ok. Bah, enfin, je trouve ça normal, entre guillemets, tu vois. Parce que elle a vécu pas la même chose, mais d'une façon différente. Ouais. Le rejet par rapport à sa famille, par rapport. La discrimination par l'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Bah, pour te dire, mon père, il sait pas que je suis avec Orlan. Ouais. Il y a juste. En fait, quasiment toute ma famille le sait. sauf les personnes qui peuvent mal le prendre entre guillemets, tu vois, dans le sens où genre mon oncle il est un peu tu vois, genre moyen quoi. Ouais. Et mon père, bah je sais pas, enfin je lui parle pas bah trop, oui, tu vois. De toute façon t'es pas très proche de lui, donc oui, voilà, c'est pas ça. Important. Genre tu vois, après là il essaie de se rattraper et prendre de mes nouvelles et tout, mais moi je suis en mode non, tu vois, Ouais. genre c'est mort. Genre je sais pas, voilà. Je trouve que de la part d'un parent qui a un peu merdé, c'est, enfin, moi je le prends dans le sens où si je suis l'enfant qui a été victime de la non-attention d'un parent, ouais. Puisque le parent m'a plus ou moins désiré à un moment, tu vois, si tu veux des liens, ben tu charbonnes. Tu les cherches. C'est ça. S'il n'y a pas d'effort, en fait, ça donne pas envie, c'est tu ça. Vois. Après, je suis admirative des enfants qui font le premier pas ou qui acceptent dès le premier pas de reprendre contact. Alors, je trouve ça vraiment fort. Ouais. Moi, j'ai pas l'énergie. Après, tu vois, moi, je suis en mode, il m'envoie des messages, je me vois mal le laisser en lui. Non, mais c'est ça. Mais moi, je réponds. Mais je réponds, mais après, quoi. Je réponds pas en mode, ouais, code 9, ça va. C'est en mode, il me dit, ça va, je fais, oui, et toi, oui, basta, tu vois, tout le monde va bien. Puis même si ça allait pas, je lui dirais que ça va, parce que flemme, tu vois. Ouais, c'est genre, ça. Le mec, vas-y, quoi. Non, mais puis, bah, on est des personnes assez occupées dans nos vies aussi. On a nos vies, tu vois, genre, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Il y a plein de gens à s'occuper, à prendre des nouvelles. Et ouais, ben, voilà. Ceux qui le font pas dans l'autre sens, ça bloque. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, les efforts, efforts, ça va dans les deux c'est sens. Ça. Non, mais c'est ça. Une relation, c'est 50-50. Genre, tu vois, moi, maintenant, je fais ma vie. Genre, j'ai ma copine, j'ai mon taf, je compte reprendre mes études. Déjà, t'as tes projets, quoi. Je fais ma petite vie, tu vois. Mm. Et c'est pas monsieur X ou madame Y qui va me dire, ouais, faut faire ça comme ça. Non, moi, je fais ma vie, je suis grande. Moi, j'irai vacciner. Yeah. Pas toutes mes dents, mais c'est pas grave. Presque. Presque, il en manque que deux. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Montre les dents qui manquent. Bon bah, pour les auditeurs et auditrices, vous ne voyez pas les dents qu'il manque. Mais il en manque effectivement. Ah, c'est trop drôle ça. Enfin, ouais. Devinez lesquelles en commentaire. Ok. Ah, je pensais vraiment te piéger sur la question des modèles. Eh bah non, ma mamie et ma maman. Tu veux pas d'enfant? Moi je suis pas sûre, ça pollue. Ça pollue. Et si la Terre irait mieux d'ici quelques années? En fait, je suis pas sûre. T'as pas envie d'avoir une mini Juliette? Non. Ça, c'était cash. Non. Moi, je me suis dit, si j'ai un enfant, je l'adopterai. Ouais, c'est compliqué après. Hein. Ouais. Oh, moi, c'est. Ma mamie, il y a un moment, quand elle savait pas que j'étais gay, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est quand que tu nous fais un petit bébé? Et j'étais en mode, non. Oh, les problèmes, déjà, quand je vois mes petites cousines qui ont 3 et 6 ans, je suis en mode, oh my goodness, comment a fait ma tante? J'étais aussi horrible à son âge. Ouais. Mais franchement, c'est vraiment être une Wonder Woman, être une maman, tu vois. Genre, t'es là, tu fais ton taf, tu rentres, tu t'occupes des enfants, tu repars le matin, faut emmener les enfants à l'école, leur faire à manger. C'est ça, t'as deux jobs, quoi. C'est vraiment... En fait, je pense être une maman, c'est un job à temps complet. Genre, t'as même plus de temps pour toi, en soi. Surtout quand t'as des enfants en bas âge, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je trouve ça... Enfin, franchement, je sais pas si j'aurais la force. Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'on en a parlé pas mal de fois, tu vois, avec ma copine. Et c'est un coup, ouais, de ouf, on veut trop avoir un mini-nous. Et d'un côté, pas trop de ouf, tu vois. Ouais. Genre... Mais après, on a encore le temps de voir ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, par rapport à ma famille, qui ont tous des enfants jeunes... Ah, ok. J'arrive à l'âge en mode... Puis tu sens une pression? En quelque sorte, ouais. Ah. Parce que, genre, souvent... Genre, ma tante, elle va me dire, ouais, tu veux pas des enfants? Ma mamie, elle va me sortir ça. Une fois, ma mère, elle m'a fait un scandale en mode, ouais... Mais si t'es avec une femme, ça veut dire que j'aurai jamais petits-enfants, gna gna gna. Ok. Et c'est dans le sens où moi... C'est une réponse assez égoïste. Ouais, désolée carrément. Pour ta mère. Ah non, mais ouais, carrément. Je suis carrément d'accord. Je suis en mode, ouais, et alors? Mais ça se trouve, même si j'étais hétéro, je voulais pas d'enfants. Exactement. Tu vois. Et du coup, je lui ai sorti ça. Et en plus, ce jour-là, il y avait ma meilleure amie. C'était chez ma grand-mère. Et on a commencé à s'embrouiller et tout. C'est parti en larmes, en drama queen, tu vois. Et ma meilleure pote, elle savait pas où se mettre. Elle était en mode, ah ouais. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'étais en mode, non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Mais dans le sens où moi, déjà, si je veux un enfant, c'est pas moi qui le porterais. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'accoucher, c'est un truc de dingue. Vraiment. Franchement, je pourrais pas rien que pour ça. Ah, mais vraiment. Respect à toutes les femmes qui ont accouché, parce que c'est un truc de dingue. Mais rien que pour ça, je voudrais avoir un appareil génital masculin. Ouais, pour ouf. Que ce soit pas la et question. Et en fait, tu je me dis, tu vois, j'aimerais trop être un papa. Mm. T'as juste à semer ta petite graine, et après, t'as pas à faire le boulot, tu vois. J'avoue. Mais après, tu vois, genre, dans un sens, j'aimerais trop avoir des enfants et dans un autre, non. Genre, écologiquement parlant, Ouais. si c'est pour que mon enfant meure au bout de 5 ans parce que c'est la fin du monde, non merci, tu vois. Ça coûte des sous. Moi, franchement, si j'ai un enfant, c'est pas pour qu'il grandisse dans des conditions C'est ça, médiocres, tu c'est vois. ça. Genre, je veux qu'il ait tout pour lui et je me sens. Les meilleures chances de son côté, Voilà, quoi. c'est ça. Je me sens pas capable de lui donner ça pour l'instant, tu vois. Après, j'ai pas un. Genre, j'ai pas fini mes études, Ouais. j'ai pas un taf hyper clean. Enfin, genre, je travaille chez Ikea, quoi. Mais sinon. Là où ça peut être très bien pour les gens qui travaillent depuis 25 ans chez Ikea, si ça leur convient, c'est Oui, parfait. voilà. En fait, il y en a. Genre, ils ont ça, il y a énormément d'avantages dans le Ouais. staff, tu vois. Genre, t'as des primes de C'est ça, c'est malade, ça. t'as pas mal de trucs, surtout l'ancienneté, ça Ouais. joue Puis t'as énormément. beaucoup de flexibilité aussi sur les horaires. Puis, enfin, tu sais, plus Ouais, t'as voilà. d'ancienneté, plus tu peux poser tes vacances si t'habites à Voilà, côté, si c'est c'est un ça. truc stable, T'as quoi. de la. En fait, plus t'as d'ancienneté, plus tu peux poser tes vacances. Ouais. Plus t'as d'ancienneté, plus t'as de primes. Plus t'as d'ancienneté, plus t'as ci, ça, ça. Et en fait, ça s'accumule et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est vachement bien, tu vois. Quand t'as un mode de vie traditionnel, Voilà, c'est c'est ça. vraiment un bon C'est emploi. ton job, tu fais ton Ouais. job, tu rentres le soir, C'est t'as ta ça. petite famille, tu C'est fais à ça. manger, basta, tu vois. Puis surtout pour de la restauration, finir à 21h, c'est du C'est luxe, un tu vois. cadeau. Ah, vraiment? Voilà, franchement, Bah parce oui. que quand tu vois les restos tradis où tu finis à 3h du matin, enfin, peut-être pas, mais le temps de rentrer chez toi, etc. C'est un Bah truc de. vraiment, oui. Surtout à les grandes périodes. Enfin, moi, je sais que l'été. Ouais. Bon, bah le samedi soir, l'été, c'était le dimanche matin. Voilà, c'est ça. Tu rentres à l'aube, quoi. Ouais. Voilà, en gros, tu fais soit du 8-16, soit du midi 21. T'as un jour de repos plus ton dimanche. Franchement, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, moi. Personnellement, c'est pas un truc qui m'épanouit de ouf. C'est moi, ce qui m'épanouirait de ouf, c'est faire de l'événementiel, organiser des festoches, des trucs comme ça, même des expos, tu vois. Et ça, c'est genre mon but un peu. Voilà. Mais c'est cool parce que t'as encore vraiment le temps. Tu vois, là pour l'instant, bah, tu te fais de la maille. Voilà, C'est c'est un job ça. alimentaire, tu vois. Et On se fait puis. de l'oseille. Mais non, mais c'est ça, moi je suis dans la même situation. Bah, Voilà, c'est ça. Genre. parce que c'est un moment où on avait besoin d'argent, donc bah, on y va. Voilà, puis même faire une pause aussi, tu vois, genre Ouais. souffler, même si Ouais. tu souffles pas vraiment, moi. Moi j'aime bien dire que c'est un peu mon gap year, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi aussi, de ouf. Genre année sabbatique, entre guillemets. Ouais. Parce qu'en soi, genre, je me sentais pas forcément prête à faire un master tout de suite. Après, à voir si plus tard je le fais ou pas, tu vois. Ouais. C'est quoi ton animal préféré? Le chien. Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec des chiens. Et que genre c'est trop un animal qui donne tellement d'amour et qu'on mérite pas. Moi je pense que c'est ça. Le chien c'est trop un animal en mode. Tu vois, c'est pas comme les chats. Les chats avant j'étais pas hyper fan jusqu'à que je rencontre celui de. D'une pote et. De ma copine. Genre c'est assez indépendant, c'est. Je trouve les chats c'est hautain. Alors que les chiens ça va être tout le temps là. Dès que tu rentres, il va te sauter dessus, il va être trop content. Genre, si t'es triste, il va se poser sur toi et te faire des câlins. Alors qu'un chat, genre, ça s'en fout, quoi. C'est hyper loyal comme animal. Moi, je sais que j'ai eu. Genre, mes parents, quand j'étais petite, ils avaient un chenil. Du coup, j'ai grandi qu'avec ça. Genre, j'ai toujours eu des chiens jusqu'à que j'arrive en France. Mais, genre, c'est trop, genre, c'est une boule d'amour, quoi. Et quand tu vois qu'il y a des gens, ils disent, ouais, par exemple, les pitbulls ou tout, c'est des chiens méchants. Bah non. C'est juste une question d'éducation. C'est juste une question de. Genre où il grandit et avec qui il grandit. Parce que ça, c'est important aussi. Et du coup, la loyauté, c'est quelque chose que tu cherches chez les gens aussi? Ouais, bah, je me suis retrouvée à dépourvu lorsque mes parents sont partis. Je me suis retrouvée seule dans un grand appart. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que je voulais avoir peur d'être abandonnée, tu vois. Genre, la peur de l'abandon. C'est un truc que, genre, je pense c'est ma phobie, tu vois. Oui. Genre, dès que je sens quelqu'un de proche assez distant, je suis en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc de mal. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je trouve la loyauté, c'est hyper important dans n'importe quelle relation. Est-ce que tu donnes facilement ta confiance ou faut mériter? Je la donne facilement, mais tu peux la perdre très facilement aussi. Ok. Genre, tu me fais un coup de travers, c'est fini. En amour? C'est plus compliqué. Ok. Genre, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui se passe. De comment t'aimes la personne ou Voilà, c'est comment vous ça. êtes. De la relation qu'on Ok. a. Comment tu crées l'intimité avec quelqu'un? Moi, j'ai un peu une carapace. Ouais. Dans le sens où je vais être très joviale, très sociable. Je m'ouvre facilement aux gens. Après, les personnes qui me connaissent bien, ils savent qu'il y a quelque chose en dessous de cette joie, tu vois. C'est ça. Et puis voilà, c'est comme ça que je pense que je crée mon intimité, c'est quand quelqu'un arrive à bien savoir comment je suis. Dans le sens où les gens qui me connaissent pas, ils vont me dire ouais, cette meuf elle est trop cool, elle parle avec tout le monde, elle est hyper gentille, elle est tout le temps contente. Et il y a d'autres jours où genre, il y a d'autres gens où genre ils vont me dire ça va, et je vais dire ouais, et ils vont capter que ça va pas, tu vois. Et ça, c'est les gens que je trouve qui peuvent entrer dans mon intimité. D'accord. Après, c'est une question de confiance, c'est une question de quelle relation j'ai avec la personne. Est-ce que je lui fais confiance aussi? Est-ce qu'elle me fait confiance en retour? Est-ce que on a ce petit cercle? Ouais. Ce petit cercle est très restreint, il n'y a pas beaucoup de personnes dedans. Hein. Ah oui, alors je voulais te poser la question qui est la suivante. Comment tu penses qu'on peut construire une relation saine en amour? Alors ça, j'en sais rien. Non, moi je pense que c'est chacun a son point de vue d'une relation. Oui. Chacun impose ses règles. Par exemple, il va y avoir des couples totalement ouverts à d'autres relations, genre Ouais. couple libre, ou il va y avoir des couples monogames. Moi, je sais que dans mon couple, on est monogame et que genre c'est mort, pas autre chose. C'est quelque chose Je auquel tu tiens. suis très possessive. Et juste le fait de savoir ça, ouais, je peux pas, tu vois. Ta limite, c'est le partage du corps de l'autre, ou aussi, tu vois, le fait de partager ses expériences avec d'autres personnes, comme tu vois ce que je veux dire, tu peux avoir une intimité corporelle Ouais. et puis aussi une intimité intellectuelle. D'accord. J'appelle ça comme ça, mais c'est pas forcément intellectuel dans le sens Oui, je des vois. grandes paroles, mais juste Oui, dans le sens le centre partage des, ouais, voilà, d'intérêt, ouais, ok. de dire ses secrets à quelqu'un. Oui, voilà. Après, moi, je pense que chacun, même dans un couple, chacune des personnes a son petit jardin secret, tu vois. Oui. Ça, je trouve ça légitime, mais c'est important aussi d'avoir ses petits secrets à soi. Après, moi, dans mon couple, personnellement, il n'y a pas... Il y a elle, moi, et c'est tout. Que ce soit physiquement... Après, mentalement, je dis pas parce qu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Elle, je sais qu'elle fait de la musique, elle fait ses études là-dedans. Moi, je m'y connais pas. Du coup, je trouve ça chouette qu'elle puisse s'épanouir avec d'autres personnes Oui. intellectuellement. Physiquement, D'accord. non. Moi, c'est monogame. Pour moi, hein, mon couple, c'est elle et moi. Et c'est tout. D'accord. Après, mentalement ou même... intellectuellement, elle peut partager, tu vois, genre, je m'en fiche, tant mieux pour elle, au moins ça l'épanouit, parce que sur ce point-là, moi, je peux pas l'épanouir forcément, tu vois. Après, si elle s'épanouit avec d'autres personnes intellectuellement, tant mieux. Mais, parce que je sais que moi, je peux pas lui donner ce qu'elle veut là-dessus, mais je sais que je peux lui donner physiquement, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce que votre couple, c'est une entité? Ou est-ce que toi et elle, vous restez toi et elle, ou est-ce que vous êtes devenu un nous? Ou est-ce que tu as envie de devenir un nous? Je pense qu'on est chacune nous. Genre, des fois, par exemple, une fois, on m'a demandé, est-ce que tu te sens européenne ou... J'ai dit, non, moi, je me sens Safa. Je me sens comme je suis. Elle est comme elle est. Chacune de notre côté, on fait nos trucs. Quand on est ensemble, on fait nos trucs. Et genre, il y a des moments où on va être nous. Il y a des moments où on va être elle et moi. Et il y a des moments où, genre, on va être nous, tu vois. Genre, ça dépend vachement, en fait, je pense, des situations. Genre, là, je sais qu'on va emménager ensemble, là, on sera à nous. Mais dans notre petite maison, enfin, notre petit appart, on sera à nous. Et il y a des moments où elle aura besoin d'être dans sa bulle. Ouais. Moi, j'aurais besoin d'avoir mon espace, tu vois. Je pense que c'est pas une question de nous ou elle et moi, c'est une question de situation. C'est comme actuellement, tu vois, quand je vais chez elle ou qu'elle vient chez moi, il y a des moments où on va être H24 l'une sur l'autre. Et il y a des moments où elle va être sur son téléphone, je vais être sur ma console, on va faire nos vies, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien dans notre couple, c'est que il y a des moments pour être nous, il y a des moments pour être nous séparément, genre elle et moi, même si on est dans la même pièce, genre des fois rien que le fait d'être dans la même pièce qu'elle, ça me comble. Ouais. Sans forcément être l'une sur l'autre, alors qu'il y a des fois je vais être en mode, oh j'ai trop envie de te faire des câlins, Ouais. j'aime trop, voilà. Je comprends. Et toi du coup? Vu que maintenant vous vivez ensemble... Ouais. Ça doit pas être pareil que quand vous étiez en relation à distance. Bah en fait, c'est un peu pareil. Ah Ouais. ouais? Ah, trop drôle. Et ça, c'est un... Bah non, bien sûr, on se voit plus que la relation à distance. Ouais. Là-dessus, c'est sûr qu'on a évolué parce que quand on était à distance... C'était un peu Canada-France, quoi. Oui, bah il y a eu cette distance, mais il y a eu Bordeaux aussi. Oui. Pas faux, c'est vrai. Donc le fait de soit se voir tous les 6 mois, soit se voir, c'était une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Mmh. C'était bah, pas mal. Ouais. Non, franchement, on a bien joué Nantes Bordeaux. Ouais, vous avez bien géré le truc, quoi. On a saisi nos opportunités. Quand j'ai construit cet endroit où ma personne ne faisait pas partie de mon quotidien, quand elle venait chez moi en week-end ou pendant les vacances au Canada, je l'amenais dans cette intimité dont elle ne faisait pas partie. Et du coup, quand t'es H24 avec cette personne, tu focuses toute ton attention sur elle et nos moments ensemble, le nous. Et c'est sûr que quand après t'habites dans la même ville que la personne, a fortiori qu'on habite ensemble, c'est plus dans les objets sont à nous, tu vois. Et puis ouais, les projets, les soirées, c'est bien sûr, on vient ensemble à la soirée de nos amis, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, je reste un moi. Puis il y a nos horaires aussi, parce que moi je travaille la journée, lui il travaille la nuit. Ouais, ça joue aussi. Hein. Ouais, et ça, moi ça a quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté aussi qu'on habite ensemble assez tôt. Pas dans... Enfin, dans la relation, je trouve ça c'est correct, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais dans nos âges, parce que 23 ans, je me disais, est-ce que c'est pas un peu tôt pour habiter avec la personne? Est-ce que c'est... Enfin, c'est quand même un grand risque, tu vois. Après, ça, je pense que ça dépend de chaque couple. Hein. Ouais, mais tu vois, je me dis, c'est un risque parce que soit ça casse, et c'est violent, soit ça passe. Mais du coup, est-ce que t'es pas dans un train-train de tes 23 à tes... des... Je ne sais quel âge. La mort, quoi. C'est beau, ça. Non, c'est beau, mais c'est long. Oui, c'est... Après, ouais. Mais du coup, c'est ça où j'aime bien, que le fait qu'on ait pas du tout le même horaire, c'est un peu... Enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup été en coloc. Ouais. Et du coup, c'est un peu un nouveau coloc, mais plus, tu vois. Ok. Mais j'aime bien parce qu'on est chacun dans notre vie active différente. Ouais. Et comme on n'a pas du tout les mêmes horaires, quand l'un ou l'autre, enfin quand nos jours off tombent ensemble, on est dans ce focus H24 sur la personne parce que c'est le moment un peu précieux. Là, je mets des guillemets pour les auditeurs et les auditrices qui ne les voient pas. C'est ce moment un peu précieux. Entre guillemets. Parce que le reste du temps, on a beau vivre ensemble, on se croise dans l'appartement. Et là, je suis contente qu'on soit dans cette situation-là. Que si on avait 23 ans et qu'on faisait tous les deux 10h, 18h, et puis qu'après on est tous les deux le soir à faire à manger, nanana. Ouais, c'est pas pareil, je pense. Donc c'est pour ça que je le vois encore un peu comme la relation à distance. Ouais, bah, dans un certain mêmes... sens, c'est ça. Bah c'est ça, mais c'est ça qui me plaît. C'est juste vous vous croisez. Tu vois, moi ça, j'appréhende un peu ça, tu vois. Ouais. Genre dans le sens où quand on va emménager ensemble, je suis censée retourner à la fac, on aura à peu près les mêmes horaires, on partira en même temps, on rentrera en même temps. Et genre... j'ai hyper hâte, hein, franchement, d'être tous les jours avec elle, même si c'est juste à voir le soir ou le matin. Ça mais fait j'ai... du bien. Ouais. Après m'étonnes. La distance, ça fait du bien. Ouais, tu m'étonnes. Parce que rien que quand on se retrouve un week-end ou un truc comme ça ensemble, ça me ressource, tu vois. Genre, c'est un peu mon grain d'énergie. C'est ça. Et je sais pas. Genre, j'ai peur qu'elle ait... que, genre, qu'elle se lasse. Ok. Dans le sens où, genre, ouais, c'est la routine, on fait tout le temps la même chose. Toi, t'as pas peur de te lasser? Moi, je pense pas que je me lasserais. J'ai vraiment du mal à me lasser des personnes, en fait. Et du coup, puis surtout que je l'aime beaucoup trop. Mais voilà. Du coup, c'est... Non, je sais pas, hein, c'est de la psychanalyse à deux balles, mais le fait que t'aies peur qu'elle se lasse avant toi, c'est pas ta peur de l'abandon? Ouais, peut-être. Qui revient. Ouais, je sais pas, on verra. Hein. Tu sais, après, si... si elle t'aime à distance, puis elle t'aime, tu vois, elle t'aimera de près aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est beau. Ouais. Voilà. Non, puis je me dis, ok, vous serez toutes les deux aux études, fait que vous aurez les mêmes horaires, mais vous serez dans deux facs différentes potentiellement. Ouais. D'autant en plus, vous n'aurez pas les mêmes groupes d'amis. Ouais. Donc si ça se trouve, vous allez un peu vous croiser, comme vous verrez plus souvent. Ouais. Mais par exemple, le jeudi soir, peut-être que tu vois, elle aura une soirée BDE et toi une soirée avec ton BDE, tu vois. Ouais, c'est clair. Et dans ce cas-là, c'est pas. On verra. En plus, non, mais je sais pas, c'est aussi excitant parce que toi, tu vas découvrir une nouvelle ville. Ouais. Et ça, ça va être cool. Des nouveaux gens. En plus, Angers, franchement, c'est assez stylé. Après, j'ai été pas mal de fois, c'est chouette. Hein. C'est ouais. Tout petit, c'est tout mignon, ouais. En fait, j'adore. J'ai l'impression que c'est plus safe aussi que Nantes. Ouais, de ouf, parce que Nantes, ça craint. Moi, franchement, tous les Angevins, ils sont comme t'habites à Nantes, mais c'est flippant. Ouais, ça craint et tout. Moi, genre, je sais, ça va, faut juste pas traîner en gare à 4h du mat le samedi. Non, mais oui, Angers, c'est grave safe, je trouve, parce que. Pour y avoir été pas mal de fois, on est rentré un peu tard, tu vois, et genre, on s'est jamais fait emmerder. Puis même, j'ai une pote, elle m'a parlé, elle allait en boîte à Angers, et en gros, il y a une navette qui t'amène à la boîte, parce qu'elle est pas dans le centre. D'accord. Et qui te ramène dans le centre, genre, après la boîte, tu vois. Gratuitement? Ouais. Bah, oh, non, ouais. Faut payer, genre, 2 balles l'aller-retour. D'accord. Mais tu sais que maintenant, il y a des applis Uber, entre guillemets. Ok. Elle a fait des guillemets encore. Oui, entre guillemets. J'ai dit guillemets. C'est vrai, tu l'as dit. Je sais pas pourquoi je t'ai repris. Et en gros. Et en gros, c'est des femmes. D'accord. Uber. Enfin, femmes Uber. En gros, je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve le nom. Et en gros, Woman Uber. Woman Uber. Non, c'est un truc genre Coxy, quelque chose. Ok. Et ça a l'air grave safe et trop bien. Genre, c'est un peu les mêmes tarifs, tu vois. Mais voilà. D'accord. Fuck Uber. Bon, bah, on a fait l'instant média polémique. Voilà. C'est pas fini, je pense. Ah ouais. Ah, on peut y aller. Hein. Allez. Et j'ai envie de parler. Est-ce que. N'hésite pas à dire veto si t'as pas envie et on coupera. Ok, d'accord. Est-ce que t'as une opinion sur les sextos? Et est-ce que tu pratiques le sexto? Alors, je ne pratique pas le sexto. Ah, ah, purée, vraiment, je pensais. Genre sexto, tu dis genre nudes ou genre texto sexuel? Alors, moi, je pensais texto. Chaleur. Ouais. Ouais. Bah. Non. J'avais pas pensé nude. Bah, écoute, j'ai vraiment de l'ancien temps. On peut parler de nude. Oui. Non, bah, franchement, non. Genre, c'est pas trop notre truc. Nous. D'accord. Genre, c'est plutôt genre. On parle, genre, est-ce que t'as passé une bonne journée? Le train-train, quoi. Puis c'est quand on se retrouve que c'est super. Ok. J'ai mis super parce que c'est super et chouette en même temps. Ah, j'aime bien. Super. Super. Ah, je valide. Ah, merci. C'est super. Ça, c'était là, un c'est... claque de main, voilà. Ouais. C'était vrai, on s'est virilement claqué. Ouais, vrai bonhomme. Hein. Voilà. Bon, bah, c'était rapide. Sinon, t'as une opinion sur les sextos, même si tu le pratiques pas? Bah, mon opinion, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, genre, ça les kiffent. Genre, chacun fait ce qu'il veut de son intimité, chacun fait ce qu'il veut de ses messages, de ses photos. Ouais. Faut juste faire attention sur qui tu tombes, quoi. Bah, un bon message, plein de bienveillance. Voilà. Faites attention, les enfants. C'est super, c'est super. Oh, c'est super. Je voulais qu'on parle de rupture. Ok. Tu veux qu'on parle de quoi? Des ruptures? Comment c'est? Ouais. Parce qu'avec ma relation actuelle, on a vécu une petite rupture. Ok. Je t'avais jamais dit? Si, si, je t'avais. On en avait parlé. Je pensais pas à celle-ci en particulier. Ok. Je veux pas mettre mal. Non, mais t'inquiète. Oh là là. Si ta copine écoute le podcast, c'est pas du tout contre toi. Non, t'inquiète, je t'aime bébé. Non, c'est juste une rupture, c'est quand ça va plus dans un couple, je pense. Mm-hmm. Après, chacun a sa vision du couple, chacun a sa vision d'une rupture. Des fois, les choses ne vont pas dans un sens... comme l'autre voudrait, tu vois, du coup ça fait que les chemins se séparent. Des fois c'est juste la routine qui s'installe et que la personne n'aime pas forcément ça, ou qu'elle se sent pas prête à avoir une relation stable et durable. Moi je pense juste que les ruptures, moi je sais que quand on a rompu, entre guillemets, encore les guillemets, oui, ça a été très compliqué pour moi parce que c'est mon premier amour. C'est la première fois que je tombe vraiment amoureuse de quelqu'un. C'est la première fois que je me donne à 100% pour quelqu'un, tu vois, même 200%. Ah. Et ça a été vraiment dur, surtout que c'était avant les partiels. Ouais. Du coup, genre, j'en ai trop chié. Ouais. Du coup, bah, à chaque fois qu'elle me disait « Venez, on sort pour fêter la fin des partiels », alors que c'était pas encore la fin des partiels, bah, je sortais, mais c'était pour me bourrer la gueule, pour oublier mes petits problèmes. Mais c'est pas la solution de se bourrer la gueule, parce que ça te revient toujours dessus. Ouais. Et en fait, faut admettre ce qui se passe. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, elle est revenue vers moi dans le sens où elle était en mode « Ah non, en fait, je t'aime trop, bébé. Viens, on se remet ensemble. Wouhou. » Wouhou. Super, j'étais trop contente. Et d'un côté, je me suis dit « En fait, elle est revenue. » Je fais « Non, genre, j'ai besoin de temps. » Ça a duré une semaine. C'est normal aussi. Bah oui, voilà. En fait, tu vois, moi, ça m'a blessée, tu vois. Je lui ai dit, hein, ça m'a blessée, ce que t'es rompu avec moi. Moi, je t'aimais trop et tout. En fait, elle a cassé. Je me suis bourré la gueule. Et ensuite, elle est revenue vers moi et moi j'étais en mode what? Genre, non, tu vois, genre, c'est pas aussi facile que ça. Je suis pas une marionnette. Ouais. Ça se passe pas comme ça en fait. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est à toi de souffrir un peu. C'est bâtard. Hein. Mais c'est chacun, c'est donnant-donnant. Tu vois, tu me fais du mal, moi. C'est pas je te fais du mal en retour, tu vois, mais c'est dans le sens où. Genre, tu me fais du mal, moi j'ai besoin de mettre du baume au cœur. C'est ça. Avant de me relancer dans cette relation, tu vois. Et du coup, elle m'a laissé mon temps, je me suis remis sur pied, je me suis dit en fait, cette meuf, j'aime trop, je peux pas genre lui dire non, next, tu m'as fait du mal, je te jarte. Faut savoir mettre sa fierté de côté aussi. Et c'est ce qu'elle a fait, tu vois, dans un sens, à m'expliquer, c'est pas parce que je t'aime plus, c'est que je me sens pas prête à avoir cette relation avec toi, pour l'instant. Faut savoir se donner le temps à soi-même, faut savoir donner le temps à l'autre. Et si on parle de rupture en général, c'est pas la fin du monde. Même si on dirait sur le moment que c'est la fin du monde, que tout s'écroule autour de soi, c'est pas la fin du monde. Ça va aller. c'est pas parce que t'as perdu cette personne qui était si chère qu'il y en a pas d'autres qui peuvent être autant aussi chères, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un message pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un t'a quitté que t'es une merde. Parce que ça, on peut se le dire souvent, tu vois. Genre, ouais, elle m'a quitté, c'est parce que je suis trop naze, y a un truc qui va pas chez moi. Non, on est très bien comme on est. C'est juste, des fois, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes projets. Des fois, juste les projets, tu vois, genre ça C'est joue. vraiment, ça peut être une question de contexte. Voilà, c'est ça. Et tout le monde n'est pas compatible. Moi, je dis ça comme ça. L'amour, c'est l'amour. La rupture, c'est la rupture. C'est pas parce que quelqu'un t'a brisé le cœur que tu peux pas aimer à nouveau. Moi, Oui, je pense c'est ça. Que Et ça se puis, passe comme ça, tu vois. les personnes, elles veulent pas forcément te briser le cœur. C'est, elles le font pour elles. Elles le font parfois aussi pour toi, même si toi, t'as pas la force Voilà. à ce moment-là de voir que vous Parfois, n'êtes pas compatible. parfois, c'est même dur pour... pas seulement la victime, c'est pas seulement la personne qui se fait quitter, c'est aussi la personne qui quitte. C'est pas facile pour la personne. Des fois, on se quitte alors qu'on s'aime encore. T'as déjà quitté quelqu'un? Ouais. Mais T'es bien rigolant. L'aimais pas. T'es pas possible. Salut marin. Non, mais tu sais, avant ma copine actuelle, c'était que des relations qui duraient même pas un mois. J'étais pas amoureuse, c'était juste un manque affectif que j'avais. C'est très bâtard, mais c'est comme ça. C'est Tinder. C'est pas bâtard, c'est des expériences. Hein. C'est ça. Après, tu vois, ça match ou ça match pas. Hein. Avant aujourd'hui, j'avais jamais été amoureuse, j'avais jamais couché avec quelqu'un. J'ai été très dans le... Tu sais, t'as une certaine pression aussi quand t'es jeune. Ouais, t'as pas de copain, c'est même pas t'as pas de copine ou copain ou autre, tu vois. Ouais. C'est t'as pas de copain. Ouais, ça c'est dur comme tu phrase. Crains, t'as 18 ans, t'es toujours vierge. Genre, j'ai une collègue au travail, elle a genre, je sais pas, 22 ans, elle est vierge, tu vois. Elle se préserve pour la bonne personne, ce que je respecte totalement. Il y a tout le monde qui la vanne en mode ouais, c'est quand que tu couches avec quelqu'un, et je suis en mode guys, non. Et au final, déjà, ces gens ne sont pas si minoritaires qu'ils le pensent. Voilà, c'est ça, genre, c'est ok. It's okay Et c'est ok. C'est ok d'être vierge à même 30 ans, tu vois, genre, c'est ça. Tant que tu veux préserver c'est ça. Ton intimité ou ta virginité, c'est ok. Tu vois, genre, il y a des gens, ils foutent la pression aux autres en mode t'as pas couché alors que t'es majeur. Mais ça, c'est des gens qui ont des frustrations de leur côté. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est des gens, ils ont une frustration d'un sens ou d'un autre et qui sont totalement cons. Genre, ça sert à rien de foutre la pression aux autres. Ou qui s'expriment mal. Ouais. Désolée, je suis assez vulgaire. Non, mais bah, c'est pour ça. Bah, pour moi, je trouve ça bête dans le sens où pourquoi tu fous la pression à quelqu'un, ouais. Et en quoi ça te regarde. Si la meuf, elle est pas prête, c'est ça. Ou le mec, il est pas prêt, c'est son problème. Enfin, c'est son... C'est même pas un problème en soi, d'ailleurs. Non, c'est son... Son envie, son intimité. Voilà, c'est ça. Son ressenti. Exactement. Ouais, genre, moi, je trouve pas ça normal qu'il y ait une pression constante sur les jeunes. Dans le sens où, ouais, pourquoi t'as pas de copain? Ouais, c'est quand que j'ai des petits-enfants. Et je suis en mode, oh, stop. Mm. En fait, genre, chacun va à son rythme, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et je trouve ça triste que les gens foutent une pression comme ça aux jeunes, quoi. Surtout qu'après, genre... je connais pas mal de monde. Ils ont perdu leur virginité à cause de cette pression, tu vois. Dans le sens où, vas-y, je suis la seule qui est vierge, bah, je vais faire l'amour avec le premier venu, tu vois. Et c'est dommage, tu vois. Genre, après, chacun a sa vision de la première fois, tu vois. Moi, je sais que ma première fois, je voulais la faire à quelqu'un que j'aime et qui m'aime en retour. Voilà, je sais plus c'était quoi la question à la base. Moi, c'est pas grave, je vais partir sur autre chose. Enfin, pas trop. Vas-y. Est-ce que t'as déjà vécu une rupture amicale? Ou est-ce que ça a toujours été comme la fin d'une amitié, vous vous êtes éloignés sereinement, chacun chacune de son côté? Je sais que quand j'habitais au Maroc, j'avais une meilleure amie. Genre, on était H24 ensemble. Et en fait, j'ai déménagé et on a totalement perdu contact. Et en fait, comme j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai été hyper proche des gens, enfin de mes amis. Et en fait, à chaque fois que je partais, bah, on perdait tout le temps contact. C'est genre en mode, on prend plus trop de nouvelles, c'est fini, tout ça et tout. Et du coup, ouais, je pense que... Peut-être pas une rupture amicale, mais... Oh, faut que je te raconte un truc. Enfin, faut que je vous raconte un truc, du coup. En fait, à un moment, j'étais tout le temps sur Twitter. Mm-hmm. Mais vraiment, H24, je parlais avec une fille. Genre, c'était trop ma confidente, on parlait tout le temps et tout. C'était un peu au début du lycée, tu vois. Ok. Elle avait été diagnostiquée un peu dépressive et tout, tu vois. C'est hyper triste, hein. Et un jour, plus de nouvelles et tout. On m'a fait croire qu'elle était morte. Ok. Genre vraiment, j'étais hyper... J'avais le cœur brisé, là, ce jour-là, tu vois. Et genre, quelques mois plus tard, je découvre quoi? Que la meuf, elle avait un nouveau compte. et que c'était refait une identité, tu vois. Et j'étais en mode, quoi? Genre, c'est foutu de ma gueule. Je l'ai harcelé en mode, comment ça? Tu t'es fait passer pour morte et tout. Parce que moi, elle me disait, ouais, je suis dans un hôpital psy. Genre, je pense qu'elle avait des problèmes, tu vois, genre... Et genre, j'étais trop en mode, what? Genre, j'en ai chialé pendant des semaines, tu vois, genre, j'étais pas bien. Genre, t'es hyper proche d'une personne alors que tu la connais pas physiquement. Tu te dévoiles entièrement et tout. Et là, tu te dis, ouais, cette personne n'avait plus de ce monde. Et que quelques semaines plus tard, tu vois qu'en fait, c'était que du mytho et qu'elle s'est foutue de ta gueule. Ça. Et ça, ce moment-là, ça... J'ai pas vécu comme une rupture amicale, mais genre... c'était, genre, horrible, tu vois. Waouh. Ouais. Je t'ai jamais raconté ? Non, je crois pas. Bah, Twitter, c'est de la merde. Sorry, Twitter. Vision. Ah, oh, waouh. Enfin, faut faire attention à qui tu parles sur Internet, quoi. Ok. Et ça, nos parents nous l'ont dit, hein. Parlez pas avec des inconnus. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça craint. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Je sais pas. Moi, j'ai encore 2-3 questions. Est-ce que t'as quelque chose que t'as envie de partager ou... T'en penses quoi? Pose ta question, on verra ça après. Okay. Alors, déjà, je voudrais savoir si t'as... ça peut être une série, un film, un podcast, une musique, un média que t'as envie de partager avec les auditeurs et les auditrices, s'il y en a. S'il vous plaît. Je serai là, t'inquiète. Merci. Qui t'a fait penser à l'amour ou ressentir l'amour, ou quand t'as vu, écouté, lu, ça peut être un livre aussi, et tu t'es dit, ça... C'est une bonne définition de l'amour. En vrai, tu vas peut-être rire, mais Madame Bovary. Ouais, mais moi je ris pas, c'est un de mes bouquins préférés. Très bien. Genre, je pense que c'est le seul bouquin au lycée que j'ai lu entièrement. Et que vraiment, je trouve qu'il y a... Je sais pas, il se passe un truc, tu vois. Pour autant, dans Madame Bovary, c'est plus qu'elle est à la recherche d'un idéal amoureux, non? Ouais, aussi. Ou alors j'ai mal compris le bouquin. Ouais, je pense que c'est moi qui l'ai mal compris. C'est le stress, la fin, quoi. No spoiler, elle meurt. Je vais faire un trigger warning au début. Attention, spoilers. À 42 minutes 20. Non, en vrai, un bouquin ou un film ou un livre qui représente l'amour pour moi, ou une série, Sense8. Sense8. C'est une très bonne série. Un peu compliquée au début, moi j'ai pas hyper accroché au début, mais je me suis dit, vas-y, ça a l'air trop cool. J'ai rematé 3 fois le premier épisode, puis j'étais, mais faut que j'avance, mais je comprends rien. Mais Sense8, c'est trop une bonne série. Ça montre tellement de choses hyper importantes. Genre, je sais pas. Puis la fin, elle est trop bien. No spoiler, c'est trop bien. Vous pouvez la visionner sur Netflix. Voilà. On fait une petite pub. Petite pub. Netflix, ramène les sous. Non, mais très bonne série. Très bonne série, et très bonne histoire. Puis je sais pas, c'est tellement bien. Genre, l'amour est tellement présent, je trouve, dans cette série. Ouais, mais c'est beaucoup de représentations différentes. Ça montre des nouvelles formes d'amour aussi. Ouais, totalement. Et des belles scènes, visuellement. C'est beau. C'est assez intense. C'est magnifique. Franchement, c'est une série, t'en prends plein les yeux. C'est, les personnages sont tous hyper attachants. Les couples dans la série sont super. Et puis, je sais pas, c'est un truc qui m'a genre trop bouleversé, tu vois. Genre, c'est une série, j'en parlerai à mes enfants si j'en ai, tu vois. D'accord. C'est en mode, faut voir ça. Est-ce que ça fait partie des médias qui t'ont aidé à te construire dans ta sexualité ou dans ta personnalité? Alors, j'avais déjà fait mon coming out quand j'ai regardé cette série. Mais je me suis dit, c'est bien qu'il y ait des représentations de personnes LGBT. Parce que c'est important dans les médias ou comme dans les séries. C'est nécessaire. Ou... Ouais, exactement. Pour que chacun puisse s'identifier aussi dans chacun des personnages ou dans n'importe quelle série ou n'importe quel film, tu vois. Ou même n'importe quel roman. Et je trouve ça assez important dans le sens où quand tu te caractérises avec un personnage, c'est plus simple aussi de comprendre l'histoire des fois. Ouais. Et c'est bien aussi et nécessaire, comme tu le dis, d'avoir ce genre d'histoire, ce genre de personnage pour la société actuelle. Parce que je trouve que dans la société actuelle, les personnes LGBT ne sont pas assez représentées et que c'est important... et que c'est nécessaire et que c'est bien parce que ça ouvre aussi les mentalités. Parce qu'il y a des personnes qui sont assez fermées d'esprit et qu'on sait jamais, imaginons, on regarde une série où il y a des personnes LGBT, ça va peut-être leur dire c'est pas des abominations, tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent c'est contre nature. Mais non, c'est pas contre nature, c'est tout à fait normal. on contrôle pas nos sentiments, on contrôle pas l'amour qu'on porte à autrui, que ce soit une femme, un homme ou autre. C'est comme ça, c'est l'amour. Est-ce que avant ton coming out, il y a un média qui t'a aidé à te dire, ok, moi ce que je ressens, je le vois dans ce média, et du coup c'est normal, c'est légitime, et j'ai le droit de ressentir ça. Ouais, bah je pense, je sais pas si tu connais la série The L Word. Non, bah j'en ai entendu parler. C'est une série de lesbiennes. Ouais. Et pas que, il y a aussi... Ah mais il y a un bouquin qu'il faut que je te prête. Ok, carrément. Et qui, ça s'appelle Sex and the Series, de Iris Bray, mais il y a aussi un documentaire, elle a fait 4-5 épisodes d'un documentaire de 20 minutes je crois, ouais. Enfin, peut-être un peu plus, je sais plus. Et en fait, elle décrypte justement, elle analyse toutes les séries LGBT. Ah, nice. Pire intéressant. Ah, trop bien. Grand. Vraiment, il faut que je te le prête. Il est chez mes parents, là, mais je te le ramène bientôt. Carrément. Et du coup, The L Word, c'est genre, pile avant de faire mon coming out, j'avais regardé cette série, et en mode, ça, pas banalise, mais dans le sens où ça normalise aussi l'homosexualité, dans le sens où c'est normal. Mm. Ça se passe à Hollywood, c'est à LA, c'est la ville, pas gay, mais dans le sens où, genre, c'est... It's okay to be gay, tu vois. Ok. Et genre, il se passe tellement de trucs, genre c'est trop cool. Ah, faudrait que je regarde. C'est assez long, ils ont fait genre un remake. Ouais, ouais, j'ai lu ça. De cette série avec des anciennes actrices de la série originelle. Wow. Et genre c'est trop trop bien. Ok. Genre ils parlent de trucs hyper importants, même s'il y a beaucoup de sexe. Ok. C'est... Il y a des thèmes importants comme les transgenres, le mariage gay, l'adoption, d'accord, les trucs comme ça. C'est assez complet. C'est hyper complet. Bon, il y en a plein, ils vont dire, ouais, c'est une série de cul, et rien. Okay. Non, pas que. Certes, il y a beaucoup de sexe. Faut voir derrière le cul, people. Mais sinon, ouais, c'est une série qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait un peu sortir de mon cocon, tu vois. Nice. Dans le sens où, it's okay to be gay, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu n'es pas une abomination. Parce que quand j'entendais des fois mon père, ça parlait du mariage gay. Ah, c'est la fin du monde. Non, papa, on n'est plus dans le Moyen-Âge. On est en 2000 et quelques. Même plus que 2000 et quelques. On est dans le futur, nous. Voilà. Et ben non, c'est normal. Enfin, ça se contrôle pas. C'est l'amour, c'est comme ça. Ça se décide pas, quoi. Genre, tu crois que j'ai décidé d'être une minorité arabe, lesbienne et femme? Non, je ne crois pas. Clairement. Ça se décide pas, c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec. On s'en sort comme on peut. Voilà. Et tu t'en sors très bien. Voilà. Dieu merci, j'ai jamais subi d'agression ou de trucs comme ça par rapport à mon homosexualité. Et je... Franchement, tout mon soutien aux gens qui ont vécu ça. Parce que c'est dur. Waouh. Waouh. Je t'apprécie. T'écoutes quoi en ce moment? Alors. C'est le moment de faire de la pub à tout ce que t'aimes. Alors en ce moment, j'écoute une chanson de mon enfance. Corazón Partido, c'est une musique de cœur brisé espagnol, mais j'ai pas le cœur brisé, je te rassure. C'est juste, elle est trop belle. Je te la fais écouter ou... Ouais. Ouais. Et genre, c'est trop... Genre, c'est la chanson de mon enfance. Genre, ça passait à la radio quand j'étais petite, tu vois. Ok. Et genre, j'aimais trop. Pause musicale, les amis. ¿Quién me va a curar? cuenta que yo que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Petite musique du moment. Après, moi, je suis très musique espagnole latina. Tu peux me parler un peu des paroles? Par exemple, le refrain, c'est... qui va me border cette nuit et s'il fait froid qui va me guérir mon cœur? Attends. Qui va me donner ses émotions? Qui va me demander de ne jamais l'abandonner? Ah si, mais tu pourras couper ça, c'est pour toi. Hein. Tu peux couper maintenant. Attends, on dit au revoir ou pas? Non, mais j'ai pas fini, meuf. Ah bah vas-y, on finit. Attends, repose pipi. Toi, tu peux dire quelque chose à nos auditrices. Ok, en mode... Je leur lâche un petit mot, tu dis ce que tu veux, mais dis, parle-leur un peu. Salut les auditeurs, auditrices. C'était pour vous dire, restez qui vous êtes, soyez fidèles à vous-même tout le temps, parce que c'est important de rester fidèle à soi-même. C'est important d'être qui on est. Ça sert à rien de se donner une image ou quoi que ce soit... pour les autres ou pour la société, c'est absolument pas nécessaire. Faut juste rester soi-même, kiffer la vie, rester tranquille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En tout cas, moi, de tout mon cœur, je souhaite que chacun de vous soit heureux, sauf si vous êtes des personnes méchantes. Mais j'essaie de croire en l'humanité et de me dire que les personnes ne sont pas méchantes. Je voulais vous dire que ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère qu'il y aura quand même quelques personnes qui vont écouter. Sinon, je trouve ça important de parler de choses importantes. Voilà. Voilà, bisous. Pour toi, c'est quoi l'amour en 2020? Alors, l'amour en 2020. Moi, je pense que c'est pas une question d'année. Je pense que c'est une question de perception de chacun. Okay. L'amour, c'est... Par exemple, moi, je vais le voir à l'amour en mode... C'est... L'amour, c'est... Je sais pas comment expliquer, genre... C'est... Pour moi, c'est moi, la personne que j'aime. On s'aime, on se fait des petites attentions, on s'écoute, on communique... Ce qui est très important dans un couple, la communication. C'est pas que ça, c'est aussi être là dans les moments où ça va pas, les moments où ça va. Les moments où on est triste ou en colère, les moments où on est joyeux et on a envie de faire la fête. L'amour, c'est avant tout communiquer, s'exprimer, dire ce qu'on ressent, ce qui va pas, ce qui va... Ce qui pourrait mieux aller ou moins aller. Voilà. L'amour, c'est un trop gros mot pour l'exprimer, je pense. C'est okay. Moi, par exemple, quand je dis à ma meuf « je t'aime », je trouve que « je t'aime », c'est pas assez fort pour lui montrer à quel point c'est mon amour pour elle, ouais. Tu vois. Et je pense après, chacun a sa vision de qu'est-ce que c'est l'amour. La date, on s'en fout. La date, c'est... Excuse-moi. Ah non, c'est bien. La date, c'est qu'une date. Dans 20 ans, comme dans 40 ans, moi, mon amour, si je suis toujours avec ma copine, ce sera le même. Mais c'est ça. Pour moi, c'est deux personnes ou plus, selon les couples, selon les relations, selon les standards des personnes avec qui on est. C'est ça. Pour moi, personnellement, c'est elle et moi. On s'aime. Yeah. On vit notre vie, des hauts comme des bas. Parce que dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Et des ébats. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est de la communication. C'est être là pour la personne. Que la personne soit là pour toi. C'est admettre qu'on peut être triste par rapport à quelque chose. Admettre qu'on peut être en colère. Admettre ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et moi, je trouve ça super important de dire les choses. De exprimer ce qu'on ressent, parce que tout garder pour soi, c'est pas très bon. Faut tout ressortir, sinon au bout d'un moment, t'accumules tout et t'exploses. Waouh. Voilà, c'est ça pour moi, la vie, l'amour. Ok. Voilà. Et toi, pour toi, c'est quoi l'amour en 2020? Tu penses qu'il y a une date pour l'amour? C'est une question que je me suis récemment posée. Est-ce que l'intimité et l'amour a sa définition par génération? Tu vois, dans le sens où je sais que ça peut être compliqué pour mes parents de concevoir ma manière de voir l'amour par rapport à la leur, qui est... La leur a été quand même de se trouver, fonder un foyer, faire de l'argent et de mettre l'argent dans le foyer, tu vois. Et du coup, je me suis posé la question récemment. Pareil pour, du coup, ma grand-mère, une génération au-dessus, qui m'a dit « Mais attends, t'as un peu d'argent, t'as ton copain, pourquoi vous achetez pas une maison et vous faites pas un bébé ?» Moi, je lui ai dit « Bah, la réponse, c'est qu'on en a pas envie. » Tout simplement. Mais, oui, pour certaines générations, c'était le... Bah, après, c'était un peu, genre, les standards, tu vois. Oui, voilà, c'est genre, ça. Genre, tu te les maries, tu fais un bébé, la femme au foyer et le mec au travail. C'est ça. Mais après, je pense que c'est aussi dû à la société, tu vois. Ouais. Genre, la société évolue comme nous, et des fois, elle évolue en bien ou comme en mal. Et des fois, ça va être en mode... à l'époque, c'était, ouais, la femme à la maison, elle fait à manger et le ménage, elle s'occupe des enfants, et le mari, il va travailler. Alors qu'aujourd'hui, t'as plein de... père au foyer, tu vois. Et je trouve ça bien aussi, tu vois, qu'on échange un peu les rôles. Enfin, c'est important de voir les choses comme ça. Tu souhaites quoi aux gens pour cette année? Que du bonheur. Franchement, j'espère que cette année va être resplendissante pour tout le monde. Parce que c'est important d'être heureux. Et c'est pas grave d'être malheureux. C'est important de le dire aussi. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être... Enfin, on est comme on est, tu vois. Personne n'est le bon. Tous les gens que je connais, ou même ceux que je connais pas, tant que c'est pas des cons, je leur souhaite que du bonheur. Parce que c'est important d'être heureux. Après, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux? Ça, c'est une autre question. Ouais. Les petites choses du quotidien, des fois, font notre bonheur. Moi, je sais que juste être dans la même pièce que ma copine, ou genre manger une bonne pizza devant la télé, c'est mon petit bonheur. Moi, vraiment, c'est me lever et le soleil est déjà là. Ah ouais. Je trouve ça inadmissible de se lever, en de se lever quand le soleil n'est pas levé. Ça devrait être illégal d'aller au travail la nuit. C'est interdit. Vraiment, ça me rend dingue. De se réveiller le matin et de repartir et que ce soit le matin ou le soir, il fait nuit. Ouais, ça, le matin c'est vraiment dur. Genre, tu vois, moi quand je ferme mes volets, je lèche toujours les. Je lèche. Tu lèches ton volet ? Je ne lèche pas le volet. Je laisse toujours les petits, ouais, les petits pointillés trous, là. Ouais. Et. J'adore quand mon réveil sonne, je vois la lumière percer. Ouais, et là, genre je me dis, sur les okay, murs. C'est une bonne journée qui va s'annoncer. Si je me lève, il n'y a rien qui perce. C'est une mauvaise journée. Alors, j'ai pas envie de me lever. Dernière question. Oh my goodness, let's go. Est-ce que t'es prête? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? La santé. La santé, parce que dans mes allants, mon... entourage, mes alentours. Dans mon entourage, il y a eu beaucoup de choses négatives par rapport à la santé. D'accord. Et moi, je veux de la santé, du bonheur et de l'argent, ma mène. Je rigole. L'argent ne tu fait... rigoles pas du tout. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Allez. Parce qu'il faut pas se mentir. Hein. Voilà. Bisous les loulous. Je vous aime. Ça m'avait grave plaisir de faire ça avec toi. Ouais, moi aussi, de ouf, c'est la première fois, et genre, quand tu veux, on remet ça, quoi. Super fun. Bon bah, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous et à toutes, ou à tous, de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous avez accéléré, vous êtes des tricheurs. Mais on vous aime quand même. Merci, Safa, de t'être prêtée au jeu de mes questions dans Brioche de vie. Bah. Le podcast où les gens viennent me raconter des bouts de leur histoire. Ouais. Mais on n'aime pas le mot tranche.